Taxi Girl, c'est Paris. Paris entre 1978 et 1986. Paris avec Daniel Larsouille, Mérouès dans le cirage, Laurent le flamboyant, Pierre Toupété et Stéphane un peu pisse-froid. Paris était laid et eux se pensaient beaux. Eh hey mec, c'est Paris. Tu m'entends ? P-A-R-I-S, Paris. Taxi Girl, c'est aussi une autodestruction. Pierre Wolfson, batteur, tombé en 1981. Daniel Dark, chanteur, tombé en 86. Laurent Sinclair, clavier, tombé en 2019. Heureusement, reste Mirwais Amadzai pour continuer à inventer des sons et aussi à raconter cette histoire. Cette histoire qui débuta par les clubs et qui permirent le temps d'un éclair à Taxi Girl de produire un hit comme un accident parmi la production de l'époque. Par bonheur, Mérouès est là, debout, balançant fièrement ses bouquins qui nous font penser à Jean Genet. Mérouès, rescapé du métro Guy Moquet. Guy Moquet, là où en 1978, des jeunes gens voulaient briser leur rêve hippie sans vraiment réaliser que c'est eux-mêmes qu'ils allaient briser. La nuit des temps, spécial Taxi Girl. Paris. 1978, Mérouès, 62 kilos, 1m83, seul au monde. Un Afghan d'origine patchoune réfugié à Paris et qui ne rêve que d'un truc, être un guitar-héros. Un guitar-héros comme Jimi Hendrix. Voici Loverman et nous sommes en 68. Yeah. La nuit des temps, Radio Duo. Yes, I wanna love you stronger. That was a perfect ending. Good thing you laughed. I know you think this is funny, but my name is Bunny. I've introduced myself to y'all. We got a funky groove kind of make you move. Come on, man! Les débuts de Taxi Girl. Pierre, Laurent et Daniel commencent les drogues. No Future. À côté, Mirwais arrête net. Priorité à la musique. Priorité au groupe comme raison de vivre. Il rêve même d'un grand trip. Et dans son trip, en pleine période punk, puis post-punk, il y a beaucoup de musique. Presque toutes les musiques. Il y a une place pour les drums et la basse disco. Il y a même une place pour le groove. Et il y a une place pour le funk. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby répète uniquement quand on doit enregistrer. Bonsoir. Ça va mieux reste qu'on peut de son côté, moi aussi, et puis on se retrouve. On essaie de mettre nos idées en commun. Le travail de composition est assez simple. Nous n'avons pas une technique très élaborée. Moi, je travaille d'abord de mon côté les chansons, c'est-à-dire des thèmes musicaux, avec plutôt des accords. Et on se réunit dans une chambre, assez rarement d'ailleurs. En parlant, nous ne sommes pas des fous des répétitions, d'ailleurs, on répète le moins possible. Et je lui propose quelques thèmes musicaux, et lui a déjà des textes d'avance ou de retard, je ne sais pas. Et normalement, il écrit ses textes au dernier moment où il les modifie juste avant de les chanter. En France, à partir du moment où un mec qui m'explique, en Occident, donc il n'y a rien de carrément pour un con. D'abord, on a une idée complètement vague, et puis on joue avec comme on peut jouer avec un jouet. Qui était une espèce de modernité que les gens n'ont pas bien compris à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Et les débuts, c'est toujours bien. Les répétitions au club repoulaient. Une reprise d'Iggy Pop avec Fred Chinchin, futur Rita Mitsuko. Un manager arnaqueur. Des premiers concerts autour de Paris. Les boîtes. Le rose bonbon en totale défense. Le studio de l'aquarium, 254 rue Le Courbin. La nuit des temps, l'international de la danse. Rapide était une réponse aux années 70 qui avaient ralenti. Ralentir, c'est mourir. Alors Taxi Girl accélère. face B de ce mannequin, le cabaret de Triste Cocktail. C'est l'inverse de ce mannequin. Tout ça pendant que le producteur milite pour Kraftwerk, Mark Robson ou les Ramones. Taxi Girl mute. Le piano swing, c'est un farcifa italien. Un magnétophone aussi, le Studer, à 80. Nous sommes en 1979. Et les garçons découvrent le studio. Et c'est vachement beau. Tristement, et la frères Sirkis rentrent à la maison avec le précieux vinyle. Ils l'écoutent non-stop dans leur chambre. 1981, Indochine fait la première partie de Taxi Girl. Indochine, dissidence politique. La nuit des temps, Radio Duo. Fun Time en 1977, ce titre sera repris plus tard par Taxi Girl. Oh, tout va trop vite avec Taxi Girl. Juillet 80, en plein succès, Pierre Wolfson, le batteur, meurt d'une overdose. Daniel Darc, lui, vit chez ses parents, rue Cauchois. Mirwais s'accroche à son rêve de groupe. Stéphane Erhard est viré. Laurent Sinclair, lui, quitte le navire fin 1982. Reste Daniel et Mirwais. La nuit des temps, l'international de la danse. Réveil tragique succède, un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire. En anglais, hectic, elle est frénétique, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça aille vite, quoi. Faut que ça aille vite. Donc, moi, j'aime bien prendre mon temps. Donc, c'est qu'elle, elle trépigne du pied comme un taureau qui attend et qui souffle, que je termine de programmer. Et c'est vrai que, bon, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire, moi, je pouvais pas. Moi, la musique est toute nette. Hors de question. I never go anywhere by myself. I always am with a friend or someone. And yes, people often go, she looks just like Madonna, but I don't bother to correct them because I'm perfectly happy to sing. I always, and if they say it to me, I say, oh gosh, thanks. What a compliment. And keep walking. ces derniers instants, les derniers moments, les gosses en profitent. Participera à la production de plusieurs albums de Madonna. Est le club branchouille et élitiste des années 80. Taxi Girl tourne un live pour l'émission télé Les Enfants du Rock. C'est glacial. Le groupe est défoncé. Le groupe manque à l'appel. Les vivants ont peur. Et la mort est au travail. Taxi Girl, les cousins juste à côté, les cousins, les voisins, Fred Chinchin, à moitié en tôle, à moitié dans la clique, Lerita Mitsuko. Imaginez. Taxi Girl est une comète. Plusieurs EP et un unique album, Seppuku, aujourd'hui effacé des plateformes. C'est une longue nuit pour Taxi Girl. Et pourtant, une armée continue à battre, ici ou là, lors de prodigieuses résurrections. Un battement de cœur qui n'a finalement jamais cessé. Un battement de cœur repris ici par Valier en 2017. Nous marchions dans les rues sans même un regard. Nous étions les derniers, seuls jusqu'au matin. Mais le matin était sale et nos rêves s'y sont brisés. Il ne reste plus rien des armées de la nuit. Est-il déjà trop tard? Peut-être trop tôt. Il n'y a plus qu'à dormir, dormir ou pleurer. Et plus personne ne sait que nos rêves étaient là. Il ne reste plus rien des armées de la nuit. Oh, je veux la nuit pour tenir ta main. Oh, je veux la nuit pour y croire encore. Perdu tout près de moi, quels sont tes désirs? Nous sommes seuls à nouveau, mais si fragiles maintenant. D'endroit où aller, nulle part où nous cacher. Il ne reste plus rien des armées de la nuit. Oh, je veux la nuit pour tenir ta main. Oh, je veux la nuit pour y croire encore. Leurs mains qui se tendent, je ne veux plus écouter leur voix qui se brise. Je veux juste une autre nuit qui nous protège enfin, tout dernier survivant des armées de la nuit. Je veux la nuit pour tenir ta main. Oh, je veux la nuit pour y croire encore. Oh, je veux la nuit pour tenir ta main. Sous les yeux, il m'arrivait d'en mettre. Je suis d'origine patchoun et c'est très répandu chez nous. Avant Taxi Girl, j'étais un pauvre gars, un réfugié politique qui attendait dans le froid pendant des heures, porte de Clignancourt, devant les bureaux de l'OFPRA pour faire sa carte de séjour. Mon père était un intellectuel qui avait organisé la résistance dans son pays. Mais personne, alors, ne se souciait de l'Afghanistan. Mirwais, le 3 décembre 2022. La lumière noire de Taxi Girl continue de glacer nos nuits. Encore plus avec la publication du second texte de Mirwais aux éditions Séguier, Taxi Girl est sans doute l'un des plus beaux récits sur la vie d'un groupe et plus généralement sur la musique ces dernières années. Avec Daniel, Mirwais, Pierre et Laurent, nous avons également accueilli ce soir Jimi Hendrix, Bunny Sigler, Indochine, Iggy Pop, la reine Madonna, Lerita Mitsuko, Valier et Vincent Lecomte. Dans quelques instants, les démineuses. Une bonnette rouge, un casque, une pomme, un portable, un ordi. Et toutes les news sur Saint-Étienne. Et désolé pour ces quelques minutes de retard. Et c'est sur la musique de Mirwais, justement, que nous allons maintenant lever les yeux vers le ciel de Saint-Étienne. Les étoiles autour de Taxi Girl sont là pour nous. Elles nous accompagnent. Et parmi ces étoiles, il y en a deux plus particulièrement filoutes. C'est celle de Daniel Darc, bien sûr. Et puis à côté, on pense à celle de Franck. Franck de Saint-Étienne qui nous a fait découvrir ce psaume 23 de Daniel Darc, un soir de janvier, il y a bien longtemps. C'était la nuit des temps. Buona notte. Salut. Le parfum sur ma tête. ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger.